Assassiner les flics. Oh, la retraite. Si c'est pas des flics, c'est pareil. Mort aux épiciers et aux ouvriers. Mort aux épiciers et aux ouvriers. Tuez les flics endormis dans leur maison de campagne. Traînez le flic jusque dans la cuisine. Béligotez-le sur la plaque sans faute. Foutez-lui un oignon dans le cul. Salé poivré. Laissez-le mijoter. Et violer sa femme pendant qu'il crame. Réveillez les marmots et battez-les à mort. Défoncez leur tête à coups de casserole. Et couvrez la mer du sang de ses enfants. Et enfoncez-lui dans le vagin la tête écrasée de son enfant mort. La France est un pays de cocagne, il suffit de se servir par soi-même. Et la vie sourit aux audacieux. Encore plus facile de foutre le feu, un immeuble de bico. Ça va pas louper au bout de 5 minutes. Des grappes de bico se jettent par les fenêtres. Oh, hurlez, s'écrase à vos pieds. Mort aux pieds noirs, mort aux juifs. Des dizaines de bico crèvent sous vos yeux. Regardez-les crever, sanglants suppliants. Les moignons brûlés, la langue coupée. Ils quémandent encore, ils quémandent encore. Les moignons brûlés, la langue coupée. Ils quémandent encore, ils quémandent encore. Ils quémandent encore, ils quémandent encore. C'est un pays de cocagne, il suffit de se servir par soi-même. Et la vie sourit aux audacieux. Plus de bico, sautez le mur de l'Elysée après avoir taillé une pipe à la sentinelle. Tout doucement entrez dans la chambre de Mitterrand qui sent ses pets sous la couverture. Tirez la couverture et coupez-lui la queue. Merde, il a plus de queue. Ils lui ont coupé la queue parce que sa queue puait pendant les meetings. Ils l'ont coupé et remplacé par un sac plastique. Mettez-lui la tête dans son sac à pisse et enfoncez votre queue dans la plébéo. Forcez dans la bidoche. Ça craque, mais ça passe. Vous sentez votre gland taper dans la vessie. Prenez-vous dedans, éjaculez en criant. Mort aux Français, mort aux Français, mort au président. Mort aux Français, mort aux Français, mort au président. Mort au président. La France est un pays de cocagne. suffit de se servir par soi-même. Et la vie sourit aux anges d'avance et un pays de cocaïne. Allez-y, allez-y, allez-y, billet, tu es volé, gueulé. Allez-y, allez-y, allez-y, allez-y, billet, tu es volé, gueulé. Allez-y, allez-y, allez-y, billet, tu es volé, gueulé. Allez-y, allez-y, allez-y, billet, tu es volé, gueulé. Allez-y, allez-y, allez-y, billet, tu es volé, gueulé. Allez-y, allez-y, billet, tu es volé, gueulé. Allez-y, allez-y, sur le touriste, les dollars, sur le flic, le pétard, sur le bougnon, les dents en or, sur Mitterrand, la montre en or, et pour le con, la leçon.